Présence. Nous sommes dans la joie. David a dit, j'étais dans la joie quand on m'a dit allons dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la joie depuis qu'on nous a dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur. Alléluia. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Yahweh. Règne à ces lieux. Et que tout soit soumis. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que toute langue confesse. Que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Jésus-Christ. Tout genou fléchira. Et toute langue prêtera serment par toi. Nous prêtons serment par toi. Et nous faisons fléchir toute langue et tout genou au nom de Jésus-Christ. Parle à nos cœurs, Seigneur. Construis-nous encore. Bâtis-nous encore. Amène-nous au Dieu dans notre établissement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Est-ce que vous êtes là? Je peux attendre. Shalom. Shalom. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Comme Dieu t'établit, Njisi Mungu anakushimika, lève-toi et agis. Simama na utende. Hier, nous étions en train de parler de réalité en présence lorsque nous sommes établis. Nous avons partagé sur le vous, sur le faire et sur l'agent divin. Ou l'agent invisible. Je bénis Dieu parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Nambariki Mungu sababu anayoisema na itimiza. Il est fidèle. Yeye ni mwaminifu. Dans tout l'univers. Ndani ya ulimwengu mzima. Pas pour étant, mais depuis l'éternité, il a toujours été fidèle. Haiko tu kwa muda, lakini tangu zamani. Et après cette réunion, il continuera à être fidèle. Na kisha mkutano huu atendelea jusque dans l'éternité. Hadi umilele. Sa fidélité remplit la terre. Uaminifu wake unajaza dunia. Parce qu'il est Dieu. Sababu yeye ni Mungu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons vu hier, celui qui s'est réfugié en lui n'aura pas hâte de fuir. Nous n'avons pas hâte de fuir. Même quand tout peut sembler s'effriter autour de nous, quand bien même tout peut sembler s'écrouler autour de nous, nous n'allons pas avoir hâte de fuir. Car il est fidèle. Il maîtrise les temps et les circonstances. Les choses d'hier, il les connaît. Il maîtrise les choses d'aujourd'hui et les choses de demain. Mambo ya jana, ya leo, na ya kesho, yote anaitawala. Il le maîtrise efficacement. Anaitawala vizuri. Ce qui est plus grave, na inayokuwa il te maîtrise toi aussi. Tawala wewe pia. C'est vrai. Ni kweli. Personne n'échappe à Dieu. Hakuna mtu ambaye anaweza kumtoroka Mungu. Surtout pas les problèmes de nos vies. Na hata shida za maisha yetu. N'échappe pas à Dieu. Même ce que nous pensons caché sont clairement connus par Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que finalement le manteau qui révèle l'homme établi contient trois choses. L'assurance de la présence de Dieu avec nous. Et nous avons partagé sur cela hier. Alléluia. Amen. La présence de Dieu qui est notre source de provision. La La présence de Dieu qui est notre source même. La présence de Dieu, notre appui, notre forteresse, notre rocher, notre libérateur, notre abri, bouclier, force, haute retraite, et la liste n'est pas exhaustive. Quand nous avons Dieu avec nous, nous avons tout ça. Wakati Mungu iko pamoja nasi tunakuwa na mambo hayo. Bwana sifiwe. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Kuna mtu anamshangilia Bwana. Aujourd'hui. Na leo. Nous voulons aborder la deuxième réalité. Tunatafuta kuzungumzia hii kweli wa pili. Que constitue ce manteau dont est revêtu l'homme établi. C'est l'assurance des paroles que Dieu a dites sur nous. Dieu a dit des choses sur toi. Déjà à partir de la conversion, tangu wakati ulipookoka, Dieu a dit des choses. Mungu alisema mambo. Regardez tous les versets que tu as entendus depuis ta conversion. Uangalie shahili soto uliolisikia tangu kuokolewa kwako. Apocalypse 3:20 dit quoi? Ufunuo 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe. Niko mlangoni na bisha. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Mtu akisikia sauti yangu, j'entrerai chez lui. Nitaingia kwake. Je souperai avec lui. Nitakula pamoja naye. Et lui avec moi. Naye atakula pamoja nami. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Yohana sura 1:12 hadi 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Seigneur, tu as dit quoi? Tu as dit que je suis quoi? Je suis né de Dieu. Né de Dieu. Donc Dieu. Nikusema Mungu. Et mon père. Yeye ni baba yangu. Il y a des paroles qui ont été dites sur toi. Kuna maneno yaliyosemeka juu yako. Et dans ton parcours. Na ndani ya safari yako. Lorsque Dieu t'a appelé au service. Wakati Mungu alikuita kwa kazi. Il a dit des choses sur toi. Alisema mambo juu yako. Lorsque Dieu t'a promis un travail dans une société. Wakati Mungu alikuita. Il a dit des choses sur toi. Alisema mambo juu yako. Dieu a dit que je bénirai le travail de tes mains. Mungu alisema nitabariki kazi yako. Il a dit beaucoup de choses. Na alisema mambo mengi. La force de l'homme établi. Na nguvu ya mtu aliyeheshimikwa. Deuxièmement, ya pili, c'est l'assurance de tout ce que Dieu a dit. Inakuwa uhakika wa yote ambao Mungu alisema juu yake. Tu dois t'exercer à être sûr, rassuré de ce que Dieu a dit de toi. Unapaswa kujizoeza kuwa na uhakika ya ile ambao Mungu alisema juu yako. Demande au voisin, toi qu'est-ce que Dieu a déjà dit de toi? Uliza jirani, wewe Mungu ameshasema nini juu yako? Nipatie hata neno moja enyesha kwambie. Donne-moi une seule parole que Dieu a déjà dit sur toi. C'est là que ça complique. Ni hapo ndipo mambo inakuwa hatari. Parce que les gens n'aiment pas lire la Bible. Sababu watu hawapendi soma Biblia. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit de moi? Mungu ameshasema nini juu yangu? Il est écrit. Imeandikwa. Dans le psaume chapitre 87 verset 3. Ndani ya Zaburi 87. Regardez ça. Watu watatu tunaweza kuitazama. Psaume 87. Zaburi 87. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu, pause. Wow. On peut lire ça avec moi? Tunaweza kuisoma pamoja nami. Des choses glorieuses. Mambo ya utukufu. Ont été dites. Yamesemeka. Sur qui? Juu yako. Sur toi qui? Juu yako nani? Toi, six. Vous, sur moi. Juu yangu. Ur sur toi. Ama juu yako. Ont été dites sur toi. Yamesemeka juu yako. Pause. Pumziko. En d'autres termes, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Médite. Kwa maneno mengine, mambo ya utukufu yamesemeka juu yako. Utafakari, ufikiri. Arrête-toi. Usimame kwanza. Nous courons dans la vie sans nous rendre compte que Dieu a dit des choses sur nous. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes abandonnés ni mendiant son pain. Nilikuwa kijana na sasa nimezeeka. Sijaona mwenye haki kuachilia ama watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Banduku leo. Oh, mes frères. Bandukwe. Mes frères. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Mambo ya utukufu yamesemeka juu yako. Pause. Pumziko. Lorsque tu manques quelque chose. Wakati unakosewa na kitu. Penses-tu à ce que Dieu a déjà dit de toi? Et même au sujet de ce que tu manques. Ça fait 2 semaines, je ne vends pas. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit de moi, de mon affaire, de mes activités? Et je fais quoi avec cette parole que Dieu a déjà dite? Ça fait 3 semaines, il y a une maladie qui a commencé dans ton corps. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit à ce sujet? Ça fait 2 jours, quelque chose ne marche pas avec toi. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit à ce sujet? Un homme établi sera fort à la mesure de la conscience de ce que Dieu a déjà dit de lui. La conscience des paroles glorieuses. Des paroles glorieuses ont été dites sur toi. Des paroles glorieuses. Fais un peu l'exercice. À ce moment-là où je parle, quel est le problème qui est présent dans ton esprit? Lequel? Et qu'est-ce que Dieu a déjà dit de toi face à cette situation-là? Je suis au chômage depuis 2 ans. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit de toi? Et si Dieu a dit, na kama Mungu alisema, et cette affaire ici, na hii kitu sasa, fait quoi là dans ma vie? Inafanya nini ndani ya maisha yangu? Quelqu'un devrait dire, wewe unafanya nini pale? Kuna mtu ambaye angesema, toi tu fais quoi là-bas? Unafanya nini pale? Tu fais quoi là-bas? Des choses glorieuses. Mambo ya utukufu. Dada umelala. Alléluia. Amen. Des choses glorieuses. Mambo ya utukufu. Ont été dites sur nous. Yamesemeka juu yetu. Seigneur. Bwana. Est-ce que tu étais sincère quand tu parlais de nous? Je ulikuwa unasemesha kweli ulipokuwa unasema juu yetu. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée où? En Dieu. Dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. En Christ. Pas à côté de Christ. En Christ. Lakini ndani ya Kristo. Maintenant, ma vie est cachée en Christ. Maisha yangu yanafichwa ndani ya Kristo. Et toi, miome, tu fais quoi là? Na wewe, miome, unafanya nini ndani ya tumbo yangu? Tu fais quoi là? Unafanya nini? Unachelewa, toka. Nini? Nini na mi? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Maisha yangu yanafichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. L'assurance des choses que Dieu a dites. Uhakika wa mambo Mungu aliyoyasema. Mm. Merci Seigneur pour tout ce que tu as dit de moi. Asante Bwana kwa ajili ya yote uliyosema juu yangu. C'est ce qui fait que nous sommes là. Na hiyo ndio nafanya tukue hapa. Je suis votre pasteur. Mimi ni mchungaji wenu. Parce que Dieu a dit des choses sur moi il y a plusieurs années. Sababu kuna mambo ambayo Mungu amesema juu yangu kuna miaka mingi imepita. Et ce que Dieu a dit, na ile ambayo Mungu alisema, est en train de s'accomplir. Iko natimilika. Est en train de produire ses effets. Iko naleta haya mambo. L'assurance uhakika de ce que Dieu a dit de moi ya ila mbo Mungu me soutient quand bien même vient l'adversité. Hata wakati wapinzani wanakuja. Ce que Dieu a dit de moi ila mbo Mungu amesema juu yangu constitue ma force. Inakuwa nguvu yangu. Quand tout semble noir. Wakati mambo yote naonekana kama giza. Un pasteur est parti prier parce qu'il voulait bien prêcher et bénir son peuple. Et il a gêné et puis il est venu prêcher le dimanche. Et puis il a appelé les gens pour recevoir Jésus. Et personne n'a reçu Jésus. Et puis il les a insultés. M'en viennent. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana mchungaji? Pasta, mbona unakufa? Unakufa nini? Unasahau. Qu'est-ce qu'il y a avec toi, pasteur? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Mungu alikuambia nini? Mbona unatukana bahatu? Tu commences à insulter les gens. C'est pourquoi, frère et soeur, il va arriver que tu vas poser un acte dans ton établissement. Il est possible que la solution n'arrive pas tout de suite. Tu fais quoi? Tu démissionnes? Non. Je me souviens de ce que Dieu a dit de moi. Que ça s'accomplisse maintenant ou demain. Dieu est fidèle. Et quand nous chantons, il est fidèle. Il est fidèle. Oh. Car Jésus est fidèle. Hey, il est vraiment fidèle. L'assurance de ce que Dieu a dit. Dites à ton voisin. On parle de ce que Dieu a déjà dit à ton sujet. C'est pourquoi il faut chercher les opportunités où Dieu va parler de toi. Il ne faut pas rater les séminaires comme ça. Il ne faut pas rater les veillées. Il ne faut pas rater les retraites parce que Dieu risque de dire quelque chose de toi. Est-ce que Mwana Nifata? Dieu risque de parler à ton sujet. Nahauko. Et tu n'es pas là. Vous avez observé que souvent, une parole de connaissance est donnée du haut de la chair. Dieu dit à quelqu'un qui a tel problème. Dieu veut le guérir. Que cette personne avance ici. Le prédicateur dit une personne. Mais il y a 10 qui viennent. Qu'est-ce qui se passe? Chacun saisit sa part. Ils ont été présents. Dieu a parlé de ce cas. Si tu n'étais pas là, ça passe. Mais comme tu es là, tu t'avances et tu attrapes ta part. Dieu a parlé. Saisir les opportunités où Dieu parle. Amen. Amen. Regardez avec moi dans Luc chapitre 10 verset 19. Ce texte nous le citons tout le temps et à tout moment. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance et l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et nous avons déjà retenu ça. Mais commençons à lire tous les textes. À partir de 17. Kuanzia 17. Lisons ensemble. Tusome pamoja. Les 70. Wale makumi saba. Allô? Allô? Allô? Allô? Vous êtes toujours là? Mungali hapo. On peut lire ensemble. Naweza kusoma pamoja. 1, 2, 3. Moja, mbili, tatu. Les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, Buana, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu voyais Satan où, Seigneur Jésus? Tu le voyais tomber où? Là où les disciples sont partis. Pourquoi Satan tombait comme un éclair? Il y avait quelque chose qui se passait. L'agent invisible. Comme un éclair. Verset 19 maintenant. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Regardez. Les disciples sont allés en mission. Et celui qui les a envoyés a vu les effets de lui-même. Dans cette mission-là. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Et Jésus leur révèle ce qui s'est passé. Na Yesu Kristo anaonyesha ile ambayo ilikuwa ikipitikana. Lorsque les disciples reviennent, ils disent, wakati maître, même les démons nous sont soumis. Bwana, hata mapepo yanatishwa mbele zetu. Seigneur, Buona, les démons même nous sont soumis à ton nom. Rappelez-vous de Actes 4, 7 que nous avons vu hier. Matendo ya mitume, ine, mustari wa saba, où les autorités religieuses posent la question à Pierre. Ambao wakubwa wa dini wanauliza Petro, de quel pouvoir kwa mamlaka gani, et au nom de qui na kwa jina la nani, vous faites ces choses. Munafanya mambo kama na haya. Et Jésus dit ici, na Yesu Kristo anasema hapa, quand je vous ai envoyé, wakati nilipo watuma, je vous ai donné niliwapatia le pouvoir uwezo de marcher sur les serpents. Wa kutembea juu ya nyoka. Et le serpent c'est qui? Na nyoka ni nani? C'est Satan. Ni Shetani. Et sur le scorpion. Na juu ya nge. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Na juu ya uwezo wote wa adui. Et rien ne pourra vous nuire. Na hakuna kitakachowazuru. Rien. Hakuna. Qui nous a donné ce pouvoir? Nani aliyetupatia mamlaka? Jésus. Yesu. Et il est resté. Na yeye aliyebaki. Il a dit allez-y. Alisema endeni. Guérissez les malades. Mwaponye wagonjwa. Vous vous souvenez du texte? Mnakumbuka andiko? Verset 8. Mstari wa nane. Guérissez les malades. Mwaponye wagonjwa. Purifiez les lépreux. Mwatakase wakoma. Ah Seigneur. Ah Bwana. Et dites. Na mseme. Le royaume des cieux est proche. Ufalme wa Mungu ni karibu. Matthieu 18. Matayo 10 mstari wa 8. Bwana sifiwe. Amen. Maintenant regardez. Sasa mtazame. Cependant. Verset 20. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Sasa, mais réjouissez-vous de ce que wati, de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Lakini mufurahi sababu jina zenu zinaandikwa mbinguni. Jean 1:12. Yohana 1:12. Vous devenez enfants de Dieu. Mnageuka watoto wa Mungu. Verset 21. Mustari wa 21. En ce moment même. Kwa wakati ule lorsque ule, Jésus est en train de parler wakati comme ça. Yesu Kristo yuko anasema hivi. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Un peu comme si Jésus lui-même, après avoir prononcé cette phrase, il comprend lui-même ce qu'il vient de dire. La propre parole de Jésus lui donne la chair de poule. Il tressaillit, mais pas de tristesse. Il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vient de se passer? Les disciples viennent avec un rapport positif. Les démons nous sont soumis. Et Jésus leur révèle le secret. Il dit, en fait, les démons vous ont été soumis parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Et il se souvient. Et il se dit, c'est grave en fait. Et il dit, je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu as voulu ainsi. On a frayé à Nini. Je viens de révéler un mystère à ces gens. Je viens de révéler mes voies. Prochainement, quand vous voulez partir, annoncer la bonne nouvelle, rappelez-vous que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Rappelez-vous, ayez l'assurance de ce que j'ai dit. Ayez l'assurance de ce que je préconise. Ayez l'assurance des choses que j'ai prononcées sur vous. Et Jésus tressaillit pour ça. Et dit, vous êtes heureux d'avoir entendu ça. Parce que certains ont voulu entendre et voir ce que vous voyez. Regardez, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Durant cette année 2019, le Fils veut nous révéler des choses de notre établissement. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous ai appelé ami parce que vous connaissez. Je vous ai enseigné. Voilà. Je vous ai enseigné ce que j'ai appris du Père. On peut se lever un instant. Maintenant, suivez. Jésus dit, regardez ça. Soyez debout. Sinon, c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Et il se tourna vers le disciple et leur dit en particulier, et il leur dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une révélation que Jésus vient de le libérer. Vous êtes heureux d'entendre ce que vous venez d'entendre. Et je dis à quelqu'un ce soir, tu es heureux d'entendre ce que tu es en train d'entendre. Parce que ces choses sont esprit et vie. Jésus dit à ses disciples, les paroles que je vous ai dites, Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'assurance ce que Dieu a dit de moi. Ce que Dieu a dit de moi est esprit et vie. Autrement dit, les paroles que j'ai déposées dans votre cœur sont vivantes. Les paroles sont vivantes. Ils sont vivantes. Ce n'est pas des phrases. Ce ne sont pas des phrases. Elle est esprit et vie. Et vous êtes heureux d'avoir entendu ça. Parce que maintenant, vous avez une référence. Imaginez les disciples qu'ils soient partis sans une parole. Qu'est-ce qui se serait arrivé? Ils seraient partis avec quelle assurance? Et quand ils feraient front avec les démons, qu'est-ce qu'ils allaient avoir comme initiative? Écoutez, frères et sœurs, l'initiative spirituelle dans ton établissement proviendra de l'assurance de ce que tu sais que c'est ça. De ce que tu sais que ce que Dieu a dit, de ce que tu sais que c'est ça tes prérogatives. Je disais hier, lorsque un PDG signe la révocation de quelqu'un, il a l'assurance que dans ma description du travail ou dans le décret de mon établissement dans ce poste, j'ai reçu ce pouvoir-là et je l'exerce. Mais si la sentinelle vient aussi essayer d'exercer le pouvoir du PDG, même les interlocuteurs ne vont pas réagir. Jésus dit, vous êtes heureux d'entendre ça. Aide-moi à dire à vos voisins. Dites-lui ça les toucher la kini. Dites-lui ça les toucher. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur et on s'assoit. Rasseyez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, car je vous dis que beaucoup des prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, ont désiré entendre ce que vous entendez et ils n'ont pas entendu. Les prophètes, les prophètes de Satan, non, les prophètes de Dieu. Mais vous êtes heureux parce que ces choses sont explicitées à votre saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez dans Marc, chapitre 1er, sura ya kwanza. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Verset 21 à partir de 21 et suivant. Musari wa 20 na kuendelea. Ne perdez pas de vue, Dieu est en train de construire quelque chose dans notre cœur. Msipoteze angalisho, Mungu iko anajenga kitu. Tuko mumajengo. Tuko mumajengo. Dans une construction. Dieu construit quelque chose. Mungu iko anajenga kitu. En nous. Ndani mwetu. Alors soyez prêts. Sasa muwe tayari. Alléluia. Amen. On peut lire ensemble à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum. Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus rentra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il enseignait comme ayant autorité. Il enseignait comme si c'est lui qui enseigne. Il disait comme si c'est lui qui dit. Lorsque les scribes disent, ils disent des choses qu'on leur a dit de dire. Les scribes disent comme des secrétaires. Ce sont des scribes. Ce sont des secrétaires. Entre un secrétaire qui dit quelque chose ou qui écrit quelque chose et celui qui dit au secrétaire, celui qui dit au secrétaire ce que le secrétaire doit dire, qui a autorité? Les secrétaires ne signent pas ce qu'ils ont tapé. Qui signe la lettre que le secrétaire a écrit? Est-ce que vous me trouvez? Et si vous êtes là? Mukuhapa. Regardez. Tazama. Tu dis au secrétaire, écris à tel, dites 1, 2, 3, 4. Unamwambia le secrétaire prend la machine, il tape, tata. Et il ramène la lettre computer, à toi. Narudisha na leta kibarua. Et tu signes. Na wewe unaweka sahihi. Tu mets dans l'enveloppe. Unaweka ndani ya bahasha. Dis au secrétaire, amène la lettre à tel. Na unaambia ule mwandishi, mpelekee fulani kibarua. La destination de la lettre. Mahali ambapo kibarua kinaenda. Lorsque le secrétaire fait arriver ou le huissier la lettre. Wakati ule mwandishi anafikisha kibarua. Qu'est-ce qui impressionne le destinataire de la lettre? Nini ambayo ule ambaye anapokea kibarua anaangalia? C'est le secrétaire. Ou c'est celui qui a signé? Je anaangalia katiba ama anaangalia ule ambaye weka sahihi? Quand il le destinataire lit la lettre. Wakati ule anayepokea kibarua anasoma kibarua. Le secrétaire peut être dans la joie que c'est moi qui ai écrit ça. Katiba anaweza kufurahi anasema ni mimi ndiye niliandika hii. Mais le destinataire s'en fout de toi, secrétaire. Lakini ule anayepokea kibarua kuhangaikie. Certaines fois il arrive. Na mara inafika. Que lorsque le secrétaire amène un document, wakati katiba anabeba le destinataire lit ça à sa présence. Na ule anayepokea kibarua nakisoma mbele yake. Ou alors il lui dit, ama namwambia, c'est quoi cette lettre-là? Hii kibarua ni nini? Oh non, mais le chef m'a dit de... Ok, lis toi-même. Oh, bosha aliniambia hivi na soma wewe mwenyewe. Lis ça toi-même. Soma wewe mwenyewe. Même quand le secrétaire lit la lettre à sa destinataire, à son destinataire. Hata wakati katiba anasomea mtu aliyepelekea kibarua. Ce n'est pas sa lettre. Sio kibarua chake. Jusqu'à ce qu'il va arriver à la lecture de fait à Goma. Mpaka wakati atafikia mahali anasoma imefanyika Goma. Signé. Na imeweka sahihi. Obin Mongili. Na Obin Mongili. Eh? Le troisième nom. Nkoli. ADG. Msimamizi mkubwa. Jusqu'à ce que le secrétaire, le porteur va lire la dernière partie là. Le destinataire va sentir alors le poids ou l'autorité de la lettre. Maintenant Jésus vient et il passe dans les avenues de Galilée, il est à Jérusalem, il parle et il est à Capernaum. Quand on l'écoute, ses interlocuteurs sont frappés de sa doctrine. Quoi doctrine? Car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Comme ayant autorité. Vous savez la puissance de Dieu. Où la puissance de l'homme établi réside dans l'agent invisible. Ndani ya asiyeonekana. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. De telle manière que na hata le contenu de l'autorité nayo kuwa ndani ya mamlaka n'est pas dans la veste, ni dans la toge, ni dans le kofia. Regardez la suite avec moi, on va lire ensemble. Regardez la suite. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Et tous furent saisis de stupéfaction. Les autres qui se demandaient les uns les autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Est-ce que vous voyez ce qui arrive? Jésus est juste en train d'enseigner dans la synagogue. L'auditoire est frappé de sa doctrine. Qu'est-ce qui fait que l'auditoire est frappé de sa doctrine? Parce qu'il n'est pas en train d'enseigner comme le font les scribes. Il est en train de parler comme si c'est lui qui parle. Il dit comme si ce sont ses propres paroles. Laissez-moi vous dire, frère et soeur, lorsque nous devenons participants de Christ, à un moment donné, nous allons commencer à parler comme Christ. Jésus vient du ciel, de son Père. Il dit: mon Père est en moi, je suis en lui, et vous êtes en moi. Et Paul dit: nous sommes devenus participants de Christ. Regardez, même dans les couples, vous allez constater ceci, que la femme commence à parler comme son mari. C'est vrai. Vous allez voir des petits enfants qui commencent à marcher comme leur papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont devenus participants de leur père. Tellement ils ont écouté le père. Ils voient le père. Ils sentent le père. Jésus, il dit: je ne fais rien que je n'entends dire mon Père. Il va même le pour dire: si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez ne fût-ce qu'à ce que le Père fait par moi. Jésus a la conscience de son Père, au point qu'il parle comme son Père. Et l'auditoire constate et dit: mais ce jeune homme-là, il parle comme si c'est lui qui parle. Il parle comme si c'est lui Dieu. Et comme nous devenons participants de Christ, nous devons commencer à parler comme si c'est Christ qui parle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous captez la parole? Acclame la parole. Alléluia. Amen. Il y a un esprit impur dans l'assemblée. Jésus n'a pas parlé avec. Qu'est-ce qui parle avec l'esprit impur? Le vous. Nous avons parlé de trois choses hier. Le vous, le faire et l'agent invisible. Regardez. Qu'est-ce qui dérange l'esprit impur? Verset 24. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es. Qui vous a demandé de dire qui je suis? Je sais qui tu es. Le saint de Dieu. Il y a beaucoup de saints de Dieu ici. C'est vrai? C'est vrai? Qu'un saint de Dieu acclame le Seigneur. Je sais qui tu es. Qui t'a donné la parole, toi, esprit impur? L'esprit impur est en insécurité. L'esprit impur est malmené. Par quoi? La présence de Dieu. Par quoi? Le vous de Christ. Ce que Christ est. Mes frères, Nduguzango, le gros travail dans la vie chrétienne kazi kubwa ndani ya maisha ki Kristo consiste à travailler sur soi-même inakuwa kutumika juu yako. Pour que cette chose qu'on appelle saint de Dieu monte en toi. Ile kitu wanaoita mtakatifu wa Mungu ipande ndani mwako. Que ce vous là ile wewe devienne une réalité et monte. Il va arriver un moment où tu n'auras pas besoin de faire. Le vous qui est en vous va faire à votre place. Ici, ce n'est pas Jésus qui provoque les démons. C'est le démon qui est compliqué, qui est gêné, qui est dérangé par le saint de Dieu dans cet homme qui parle. Le saint de Dieu. Il y a un personnage en Jésus. Ce fils de Marie, il y a un personnage dedans. Le démon est dérangé par ça. Le démon panique. Et le démon négocie. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Tu es venu nous perdre. Jésus réagit. On a dit qu'il parle comme ayant autorité. Il réagit. Verset 23. Jésus le menaça. Les gens qui savent menacer, ce sont ceux qui sont sûrs de ce qu'ils sont ou de ce qui était dit d'eux. Quelqu'un qui ne se connaît pas ne peut pas menacer. La capacité de menacer provient de l'assurance de ce que je suis ou de l'assurance de ce qui a été dit de moi. Jésus sait qui il est. Parce que dans les versets précédents en haut, le Père a dit de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand l'Éternel a dit de Jésus, pendant que Jésus écoutait, c'est vrai, il le savait, mais Jésus a entendu le Père venir témoigner sur la terre à ce sujet que celui-là. Et quand le Père parlait, les humains qui étaient là ont entendu, le monde des ténèbres a entendu, la nature a entendu. À un moment, ils se sont dit, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la tempête? Parce que quand le Père disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, la terre entière entendait. Et quand Jésus dit à la tempête, tais-toi. La tempête s'éteint. Pourquoi vous faites ça, tempête? Quelqu'un vient de parler. Un scribe mwandishi, hapana. Quelqu'un qui a autorité. Una mtu ambaye anakuwa na mamlaka. Mais d'où vient son autorité? Lakini mamlaka yake yanatoka wapi? Il sait qui il est. Anajua yeye ni nani. Il sait qu'est-ce qui a été dit de lui. Anajua ni nini iliyosemeka juu yake. Que quelqu'un sache ce qui est dit de lui aujourd'hui. Kuna mtu anapaswa kujua nini ambayo inamesemeka juu yake. Si tu n'as pas toujours eu le temps, va fouiller ta Bible. Kama una wakati, wenuka, commence à fouiller ta Bible et lis. Anza kuangalia et Biblia connais na usome, na ce qui est dit de toi. Ila mbome semeka tu deviendras yako. Fort. Na utakuwa na nguvu. Et l'autorité va commencer à naître en toi. Na mamlaka itaanza kuonekana. Va en prière. Ingienda ni ya maombi. Cherche Dieu. Tafuta Mungu. Le feedback divin na ile tibu ya dans ton esprit ya va commencer yako. À construire l'autorité. Itaanza kujenga mamlaka. Et quand tu parleras, na wakati unaposema, ce ne sera pas comme le scribe. Hautakuwa kama mwandishi. Ce sera comme Jésus lui-même. Itakuwa kama Yesu Kristo yeye mwenyewe. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Et vous savez, na mnajua, le Père a témoigné de Jésus. Baba alishuhudia juu ya Yesu. Le jour du baptême. Siku ya ubatizo. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Huyu ni mwanangu mpendwa. Ces démons témoignent de Jésus. Na hama pepo wanashuhudia juu ya Yesu. Et dit que toi là. Na wanasema wewe hapo. Tu es le saint de Dieu. Wewe ni mtakatifu wa Mungu. Pierre aussi a témoigné de Jésus. Petro yeye mwenyewe alishuhudia juu ya Yesu. Quand Jésus pose la question, que disent les gens que je suis? Watu wanasema mimi ni nani? Pierre aussi témoigne. Yesu Kristo. Il dit tu es le Christ. Petro anashuhudia. Le fils du Dieu vivant. Wewe ni Kristo mwana. Et Jésus de lui dire. Ce n'est pas la chair ni la, le sang qui t'a enseigné ce soir, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Combien que Dieu amène quelqu'un à expérimenter ce témoignage. Seigneur, témoigne de quelqu'un aussi aujourd'hui. Seigneur, témoigne de moi. Parce que lorsque je saurai ce que Dieu a dit de moi, ça change tout. Jésus le menaça. Yesu Kristo akamshambulia. Tu vas devenir menaçant. Utakuwa mtu wa kushambulia. Et la menace na ushambulizi tire sa force inakuwa na nguvu yake dans la compréhension ndani ya kuelewa de la personne menacée ya mtu ambaye anashambuliwa de ce que je suis ya ile ambayo mimi ni nani. Si on prend des enfants là-bas. Tukikamata mtoto mmoja kule yule. Et on dit de venir menacer pasteur Piero. Na tunamwambia kuja mshambulie mchungaji Piero. Bwana sifiwe. Amen. Frère viens. Ndugu kuja. À côté du rouge là. Viens. La sœur Piero vient. Mchungaji Piero karibu. Vous n'êtes pas des amis. Mko barafiki. Tu vas les menacer. Oh, tamshambulia. Suivez-moi s'il vous plaît. C'est ça mon ifuate tafazali. Suivez-moi. Mon ifuate. Ça c'est le pasteur, le grand pasteur Piero. Oh, ni mchungaji mkubwa Piero. Si c'est petit ici, c'est un fils du chef de l'État. Sasa kama huyu mtoto yeye ni mwana wa rais. Qu'est-ce qui se passe? Mambo yanapitikana namna gani? Comment ça va se passer? Mambo yatapitikana namna gani? Atapiga magoti. Iva sasa niye. Je vous assure. Na uhakikishia. Qu'est-ce qui fait que apige magoti? Nini nayofanya kwamba apige magoti? La conscience, zamiri, de l'autorité ou de ce que ce petit est. Ya mamlaka la ya conscience, ile ambayo mtoto iko. La conscience de la réalité. Zamiri ya u, de ya la ukweli. Réalité invisible. Ya ukweli usionekana. C'est juste un petit garçon. Ni kijana mdogo. Mais l'agent invisible, ou la réalité invisible de ce petit, va faire qu'il plie. Maintenant, regardez, on n'a pas fini. Allez-y, levez-vous. Lorsque nous menaçons les démons, ils réagissent sur ce que eux savent de nous. Ils ne réagissent pas au bruit de notre voix. Ils réagissent à la réalité de notre être intérieur. Quelqu'un capte quelque chose? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là. Le grand travail à faire, c'est construire cette réalité intérieure. Nous pouvons imiter les gens. Il y en a même qui poussent les gens pour les faire tomber. Alisha Kosa équilibre. Amen. Le monde des ténèbres, y compris la nature, hata maumbile, réagit à ce que la nature sait que nous sommes. Juya ila mbao maumbile yanajua ya kwamba sisi tuko. Parce que cette réalité invisible qui est en nous est esprit. Inakuwa roho. Et lorsque je fais face à la tempête, tempête constate mawimbi yanagundua qui s'approche. Nani ambaye anakaribia. Maintenant, sasa, quand celui-là qui s'approche, wakati ule ambaye anakaribia, ose menacer, anapima tu kushambulia. Yes. C'est fini. C'est fini. Basi. Deux choses. Mambo mbili. L'ennemi sait ce qui est en moi. Adui anajua inayokuwa ndani mwangu. Deuxièmement, ya pili, moi je sais. Mimi ninajua. Ce que Dieu a dit de moi. Ila ambao Mungu amesema juu yangu. Et je connais. Na ninajua. Quelle est la main invisible avec moi? Ni mkono gani usionekana unayokuwa pamoja nami? Maintenant je prends autorité. Na sasa nakuwa na mamlaka. Et je menace l'esprit. Na ninashambulia ile pepo. Normal. Mambo ni esprit doit partir. Ile pepo sherti iende. Esprit doit partir. Ile pepo sherti iende. Il se fait que même avant que je menace, hata mbele mimi nishambulie, l'esprit peut déjà commencer à s'agiter, ile pepo inaanza kusumbua, à trembler, inaanza kutetemeka, et même quelquefois à partir. Na hata kwa wakati mwingine inaenda. Dans certaines églises, ndani ya makanisa moja, ou dans certains ministères, ama ndani ya huduma moja, merci, mon frère. Fulani. Vous allez observer ceci. Mutagundua hii. Qu'il y a suffisamment d'autorité dans l'église. Pas seulement l'autorité du pasteur. Mais l'autorité de plusieurs dans l'église. De telle manière, lorsque un démoniaque vient, le démon qui est en lui n'aura même pas le temps de commencer à s'agiter. Il n'aura même pas le temps de commencer à s'agiter et à faire des choses pour déranger. Il va déjà s'arranger et sortir et dire « Apa, mutu atalumia umu. » Ici, quelqu'un peut être blessé. Que Dieu amène l'église à ce degré-là. Mungu alete kanisa ifikishe kwa hii kiwango. C'est pourquoi lorsque nous enseignons la parole, nous prions que chacun de vous devienne une autorité. Une église forte, ce n'est pas l'église dont le pasteur est très fort. Mais c'est l'église dans laquelle le pasteur aide tout le monde, tous les membres à être forts. Ça c'est puissant. Non pas que le pasteur devienne juste un expert. C'est lui l'expert spirituel. Non. Que tout le monde devienne des experts spirituels. Ça fait une armée. Il y a une armée qui se lève pour lui obéir. Une armée. Dites à ton voisin, entre dans l'armée en question. Entrons. Dans la carrière qui nous est proposée. Les paniers vont commencer à passer, nous continuons à réfléchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux savoir que toutes ces choses sont à notre portée? Quand Jésus tressaillit, il est comme surpris par lui-même qu'il vient de livrer un secret qu'il n'avait pas livré aux prophètes et aux rois du passé. Mais toi, tu as le secret. Et il faut commencer à l'exercer. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Je vais un peu extrapoler. Nita zidisha juu. Les mêmes choses qui se font dans ces textes. Mambo haya yanayofanyika ndani ya somo. L'autorité que Jésus révèle dans ces textes. Mamlaka ambayo Yesu anafunua ndani ya andiko hili. N'est pas seulement applicable aux démons. Haiko tu ya kutumia mbele ya mapepo. Elle est applicable à toutes choses qui vient contre nous, à toute chose qui doit s'incliner devant Dieu. Les hommes, la création, les esprits, cette même autorité est requise pour chacun de nous dans notre établissement. Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la tempête? Nous avons vu l'esprit impur lui obéir. Maintenant, même les vents lui obéissent et la tempête lui obéit. Est-ce quelle nouvelle doctrine il enseigne? Comme ayant autorité et non comme les scribes. Écoutez, tu peux t'exercer à devenir menaçant. La voie c'est la suivante. Exerce-toi tes souvenirs de ce que Dieu a dit de toi. Médite sur les promesses de Dieu sur ta vie. Fais monter dans ton esprit les réalités spirituelles que Dieu a dit sur ton existence. Et tu vas te rendre compte que tu auras les sentiments de Jésus-Christ. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Non pas seulement les sentiments d'humilité, mais aussi l'autorité qui était en Jésus-Christ. Mais je rêve de voir chacun de vous devenir une autorité spirituelle. Et quand nous venons au temple et que nous sommes 5000, il y a 5000 autorités. Écoutez-moi bien. Chaque autorité a toujours une dotation de militaires autour de lui. Au plan spirituel, ça s'est vérifié aussi. Ile mambo inaonekana pia. et que nous sommes là 5000. Toi, vous êtes des autorités. Et chacun avec l'arsenal qui est autour de nous. Et nous sommes assis là. Et nous commençons à prier. Chacun entre dans sa carrière. Chacun commence à fonctionner. Chacun commence à exercer dans sa carrière. Mais on va tout changer. On va tout changer. Qui nous résistera? Qui va lever le petit doigt? Une principauté, pouvoir, autorité, les esprits de l'air, la nature, les nuages, le lac Kivu, le volcan, Nyiragongo. Qui va oser devant tous ces multitudes d'autorités? Qui va essayer? Un jour viendra où l'ensemble de toutes ces autorités vont aller à Nyiragongo. Et va parler à Nyiragongo. Et va dire à Nyiragongo, à partir de maintenant, tu meurs. Tu es un volcan mort. C'est fini. Et ce volcan mourra. Je vous dis, c'est à ça que Dieu veut que tu montes. Na Mungu anapenda upande kwa kiango hicho. Il y a des problèmes nationaux, des problèmes régionaux. Kuna kuwa shida za kitaifa. Qui n'attendent que la confection des autorités. Ambazo zinasubiri kutengenezwa ama kujengwa kwa wenye mamlaka. Qui vont se lever dans ce pays. Ndani ya nchi hii. Peut-être nous allons même louer pays, disons ville. Qui vont se lever et vont marcher dans les avenues de Goma. Et vont interdire Karuo, vont interdire sorcellerie, vont interdire Karuo, watakataza uchawi. On va interdire. Tutakataza hayo et ça sera fait. Na itafanyika. Parce que les choses auxquelles on va s'adresser, sababu mambo ambayo tutazungumza nayo, sauront qui parle. Yatajua nani anayesema. Et ce jour-là, celui qui sera en train de parler, c'est toi. Tu devrais acclamer, non? Parce que c'est vrai, ce jour-là, c'est toi. Ce jour-là, c'est toi. Esaïe dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Esaïe 53:1. Isaya, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel dans ce qui nous a été annoncé? L'agent est visible. Alors, rappelez-vous, j'aimerais qu'on puisse prier. Nous avons parlé hier de la présence de Dieu. Les choses qui nous rendent capables d'exercer dans notre carrière. La première, c'est l'assurance de la présence de Dieu. La deuxième, c'est l'assurance des paroles que Dieu a dit sur nous. Mais il y a un travail que chacun doit faire pour que ces paroles prennent forme en lui. Pour que ces réalités deviennent réalité en lui-même. Si tu regardes la vie chrétienne comme une affaire des autres, si tu regardes la vie chrétienne comme une affaire dans laquelle tu viens pour admirer ce que Dieu fait avec le voisin, tu seras perdu. Mais je prie que Dieu t'aide Mungu akusaidie à entrer de plein pied uingie kabisa na miguu yako dans la dynamique. Ndani ya hii hatua. Levons-nous. Tusimame. Donnez-nous un cantique. Et puis on va prier. Alléluia. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut le chanter fort? Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour ce que tu es, pour tout ce que Dieu a fait à toi et ce que Dieu est en train de faire pour te confectionner. Toi aussi tressaillis comme Jésus. Quelqu'un doit tressaillir et comprendre ces choses. Quelqu'un doit tressaillir et se rendre compte que c'est vrai, que toutes ces choses sont vraies et qu'il est candidat. Tu es candidat toi aussi à ces choses. L'autorité est possible pour toi parce que tu sais ce que Dieu a dit de toi. La nature sait ce que Dieu a dit de toi. Le monde des ténèbres sait ce que Dieu a dit de toi. Je suis enfant de Dieu. Et Rama Bobocheta. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir sauvé tôt. Merci Seigneur de m'avoir arraché de la mort et du péché. Merci Seigneur de m'avoir délivré de la vaine manière de vivre, hérité de mes pères. Merci Seigneur de m'avoir arraché des filets des oiseaux. Je suis enfant de Dieu. pas fini et toi tu n'as pas fini avec moi. Et camarese kerado, tu es là avec moi, tu marches avec moi, tu es avec moi. Je suis ton fils, je suis ton enfant. Tu m'as chargé de paître tes brebis, tu m'as chargé de paître ton troupeau. Tu m'as dit garde mes brebis, tu m'as dit paix mes brebis, paix mes agneaux. Et ma camachata, que rien se le gosse, inakoro bosse rebaraga, rete kere kosi, le mato kere bosata, inamatine mon Jesus, rete rebasito kaloche, yukate keluze, ma nezo kalosa, yesete kedike, ma lezi alukole, inakose kere bosa. Tous, on va prier, nous allons entrer en guerre. Musimame nyote tunatafuta kuingia ndani ya vita. Soldat, c'est toi, c'est de toi qu'il s'agit. Ni wewe. Tu es une arme, tu es un soldat de Dieu. Wewe ni askari wa Mungu. C'est toi qui va entrer en guerre maintenant. Ni wewe utakayeingia ndani ya vita sasa. Prenez notre Bible. Utachukua Biblia yako. Zacharie chapitre 4 verset 6. Ndani ya kitabu cha Zakaria sura 4 mstari wake wa 6. Eseta hadi 7. Zakaria. Après Agé, nikisha kitabu cha Hagai. Chapitre 4 verset 6 et 7 et jusqu'à 9. Sura 4 7 hadi 9. Donnez-nous ça là-bas. Watuwekee kwenye ubao. Mais si tu as ça dans ta Bible, c'est mieux parce que tu peux souligner. On ne sait pas souligner au tableau là-bas. Lakini kama unakuwa nayo ndani ya Biblia yako unaweza ku C'était ça pas souligner même dans les téléphones. Nous avons trouvé, on y va. Zacharie chapitre 4. Zakaria sura 4. Verset 6. Mustari wake wa 6. 1, 2, 3. Moja, mbili, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Mets ton nom là-bas, mets ton nom là-dedans, mets ton nom, remplace Zorobabel par toi-même. On reprend. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Eston. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grand montagne, devant Eston, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains d'Eston ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Ah, ses mains l'achèveront. Tu as commencé ta carrière. Ulianza kazi yako. Tu vas l'achever. Utaimaliza. Tu vas l'achever. Utaimaliza. Qui es-tu, grand montant? Wewe ni nani mlima mkubwa? Devant voici. Mbele ya wasi. Il posera ses mains et il achèvera. Ataweka mikono yake na taimaliza. Tu as commencé un chantier. Ulianza nyumba. Il y a des esprits qui se sont ligués contre na ça. Kuna mapepo ambayo ilishambulia. Les maladies viennent, les choses viennent, beaucoup de choses sont venues. Mambo ile yote. Tu as posé ta main. Uliweka mkono wako. Tu as commencé un projet. Na ukaanza mradi fulani. Et les bitouko se sont levés. Et il y a eu des choses qui se sont levées. Et toi amené beaucoup de misère. Na ikaleta mateso mengi. Qui êtes-vous bitouko? Vous êtes qui? Devant Janine, devant je ne sais pas qui. Mbele, mets ton nom. Sijui nani, weka jina lako. Tu seras aplani. Utashushwa. Mes mains achèveront ce que j'ai commencé. Si j'ai commencé un projet, je vais l'achever. Alléluia. Amen. Lève la main et commence à prier. Dites Seigneur mon Dieu, merci d'avoir fait de moi ton fils, ton serviteur et puis ton ami. Maintenant, il y a des choses qui se sont levées contre moi. Ce soir, merci pour ce que tu as dit de moi. J'ai l'assurance que tu l'as dit de moi. Tu as dit à mes ennemis qu'ils seront aplanis à partir de maintenant. Mes ennemis, je m'adresse à vous. Montagne. Mlima. Adverse. Je m'adresse à vous. Circonstances contraires. Je m'adresse à toi. Disette. Je m'adresse à toi. Maladie. Écoute-moi bien. Tu seras aplani. À partir de maintenant. Je mets ma main contre toi. Je lève ma main contre toi. Et je vais t'achever. Alors vas-y maintenant. Lève ta main contre ces choses. Jusqu'à ce que tu les achèves. Tu dois achever. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu dois achever. Mes mains vont achever. Mes mains vont fonder. Il y a un projet que tu as commencé. Tes mains vont l'achever. Il y a des ennemis qui se sont levés. Tu as commencé à les combattre avec des coups de poing, avec le marteau de l'esprit, avec l'épée de l'éternel. Achève ces ennemis. Jusqu'à achever. Assure-toi que le Saint-Esprit te donne le feedback. Que c'est fait. Prie. Jusqu'à ce que tu entends l'écho de Dieu qui te dit c'est fait. Et ça sera fait. Coma, mes mains sont sur toi, prince de coma. Mes mains sont sur toi, elles vont t'achever. Elles vont t'achever. Je t'achève, esprit de coma, esprit adverse. Toi qui te lèves contre l'évangile, ma main est contre toi. Tu libères les captifs, tu libères les captifs de coma. Tu les libères, tu les libères, tu les libères, tu les libères. Par les paix de l'éternel, qui les libère au travers le feu, au travers le feu, au travers le feu, qui les libère, qui les libère, qui les libère, au nom de Jésus, qui libère les richesses des archois, qui libère les richesses des archois, qui libère la santé des archois, qui libère la vie des archois, qui libère la destinée des archois. Ma main est sur toi. Libère mes fils et mes filles. Libère mes fils. Libère mes fils. Libère mes filles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par l'autorité de Christ. Par l'Esprit de l'Éternel. Jusqu'à ce que tu achèves. Paka wakati utamaliza. Soit la gloire, à toi soit la puissance, à toi soit la sagesse. Merci Saint-Esprit. Applique ta parole dans chaque cœur. Jésus. Jésus. Jésus. Tes mains ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Nous sommes affranchis par ta parole. Levons nos mains ensemble. Tunyoshe mikono yetu pamoja. Dites Seigneur mon Dieu. Useme Bwana Mungu wangu. Je veux entrer dans ma carrière. Nahitaji niingie ndani ya kazi yangu. Avec autorité et pamoja na mamlaka na zamiri. Maintenant aide-moi. Sasa unisaidie. À méditer. Nitafakari. Sur ce que tu as déjà dit de moi. Juu ya ile ambayo umeshasema juu yangu. Ce que tu as dit sur ma destinée. Juu ya ile ambayo umeshasema juu ya hatima yangu. Ce que tu as dit sur mon travail. Juu ya ile ambayo umeshasema juu ya kazi yangu. Ce que tu as dit sur ma vie spirituelle. Juu ya ile ambayo umeshasema juu ya maisha yangu ya kiroho. Ce que tu as dit sur mon avenir. Juu ya ile ambayo umeshasema juu ya assure-moi, Seigneur, de ta présence. Assure-moi de ta présence. Je veux marcher devant ta face. Je veux être intègre afin que la nature reconnaisse qui je suis. Que le monde des ténèbres reconnaisse qui je suis. Que les démons reconnaissent. Que moi-même je reconnaisse qui je suis. Que je sois capable d'assumer mes responsabilités avec autorité. D'accomplir ma mission. D'accomplir mon mandat avec autorité et puissance. Jusqu'à ce que tu reviennes. Que mes mains achèvent. Ce que tu m'as envoyé faire sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-moi achever. Fais-moi achever. Toutes les prévisions. De ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.